Donc aujourd'hui, c'est la session de sujet de Rosalie de Sambo, sa vie, ses idées et ses luttes. Parce que Rosalie de Sambo fait partie de notre héritage politique en tant que tendance marxiste internationale. Rosalie de Sambo est une figure qu'on place dans le panthéon réellement des grandes personnalités du socialisme révolutionnaire et du mouvement ouvrier international. Rosa Luxembourg, certes, a fait des erreurs, a eu des polémiques très dures, entre autres avec ou contre Lénine, voire même les bolcheviks en 1917. Mais chaque fois, quand elle exprimait des divergences avec Lénine ou Trotsky, ou quand elle polémisait sur des questions, elle le faisait dans le cadre du marxisme révolutionnaire, avec un objectif, c'était celui de la révolution socialiste. Pour ça, je crois qu'il est très important de pouvoir se défaire des préjugés qui existent parfois au sujet de Rosa Luxembourg, surtout les réformistes qui la présentent comme une réformiste, en fait. Les staliniens qui la présentent comme une menchevique, voire même une trotskiste ou une centriste. Sur les questions d'organisation, je crois que hier on a déjà pas mal parlé des erreurs qu'elle a faites sur la question du parti, mais ce serait une erreur aussi de la présenter comme une sorte de hippie, une sorte de Janis Joplin du marxisme international, celle qui avait des attitudes relax sur les questions d'organisation. Et donc je crois que Rosa Luxembourg, on doit lire ses écrits, quoi, tous ses écrits, pas seulement les écrits avec lesquels on peut être d'accord, mais aussi les écrits dont on pense qu'on ne sera pas d'accord avec elle. Alors c'est Lénine, lorsqu'il a pris l'assassinat plutôt de Rosa Luxembourg, donne directement des instructions pour que tout les écrits de Rosa Luxembourg soient publiés dans le jeune État soviétique. Il n'a pas dit « ne publiez surtout pas les polémiques contre moi » ou « ne publiez seulement que les polémiques que j'ai eues avec elle », mais il dit clairement « faut tout publier de Rosa Luxembourg et il faudrait que tous les jeunes étudiants du marxisme lisent et étudient tous les écrits de Rosa Luxembourg ». Qui est Rosa Luxembourg? On pense qu'elle est allemande, parce que son terrain d'action politique principal était le SPD, le Parti Socialiste Allemand, et l'Allemagne. En fait, Rosa Luxembourg est née en Pologne en 1870 ou 71, les dates ne sont pas très précises, le 5 mars. Elle est née dans un village polonais, au moment où la Pologne était intégrée dans l'Empire tsariste russe. Dès sa naissance, elle est marquée par l'expérience de l'oppression. Elle est une jeune femme, elle est juive et elle est polonaise dans un pays qui tenait et qui opprime les minorités nationales, entre autres les Polonais. Très rapidement, Rosa Luxembourg, à 16 ans, s'engage dans la politique. Elle rejoint un petit groupe qui s'appelle Prolétariat, qui est né, au fait, ce groupe, 21 ans ou 22 ans avant même le Parti social-démocrate ouvrier de Russie. C'est un parti, ou un petit groupe, au fait, c'est même pas encore un parti, qui, contrairement où la plupart des révolutionnaires russes, encore à cette époque, sont omnibulés par les idées du terrorisme individuel, et des populistes de Narodnoïa Volia, ce parti, ce groupe, s'oriente et s'organise autour de la classe ouvrière pour diffuser les idées marxistes. Elle, très rapidement, elle se fait remarquer par la police aussi, et elle doit fuir la Pologne, et elle atterrit en Suisse, à Zurich en particulier, là où se trouvent pas mal de réfugiés polonais et russe à l'époque. C'est là qu'elle va rencontrer aussi des grands révolutionnaires russes et s'engager très rapidement aussi dans les débats politiques et théoriques très intenses qui divisait l'exil révolutionnaire en Suisse. À 22 ans, elle est déjà membre, je crois, du Bureau socialiste international. Elle assiste au premier congrès, à son premier congrès de l'International socialiste. Et elle représente, au fait, dans l'International socialiste, le petit parti social-démocrate polonais, qui plus tard va s'appeler aussi Parti socialiste polonais, mais avec du royaume polonais et de la Lituanie. Elle se forme politiquement d'abord dans des querelles et dans des polémiques très très fortes contre le nationalisme d'un autre parti qui se prétend socialiste, le PPS, qui est pour l'indépendance de la Pologne et qui articule une grande partie de son programme et son agitation politique autour et pratiquement exclusivement autour de l'indépendance de la Pologne. Très jeune, elle se fait remarquer dans les congrès de l'International socialiste par sa participation très active dans les débats politiques et théoriques de l'International socialiste. Plus tard, elle déménagera la Suisse vers l'Allemagne, où elle trouve au fait un terrain d'action politique et théorique beaucoup plus vaste au fait que la Suisse ou la Pologne. Et c'est là où elle va pouvoir déployer ses ailes théoriques et politiques. Rosa Luxembourg se révélera être une formidable oratrice, se révélera être une farouche débatteuse. Beaucoup de vieux dirigeants du SPD la craignent, pas seulement par sa profondeur théorique, mais surtout par sa capacité de mener des polémiques et d'enfoncer, au fait, les réformistes qui n'osent pas se prétendre réformistes encore à l'époque au sein du SPD. Le SPD, comme on a eu l'occasion d'en parler hier dans la discussion sur la Révolution allemande, le SPD est le plus grand parti de l'International socialiste. Probablement aussi, c'est le plus grand parti socialiste au monde à l'époque. Le SPD se prétend marxiste, se prétend orthodoxe. Le SPD, c'est le parti du pape du marxisme, Karl Kautsky. C'est le parti aussi, comme on l'expliquait hier, qui a réussi en 20 ou 30 ans à développer un appareil extraordinaire de dizaines de milliers de permanents, de notre quotidien, des dizaines d'hebdomadaires, un tiers des voix lors des élections, etc. C'est un parti modèle, en fait, pour l'International socialiste, tellement modèle que même Lénine il voit, en fait, le modèle pour la construction du Parti socialiste ouvrier, le Parti social-démocrate ouvrier en Russie. Lénine, qui, en fait, ne connaît pas le SPD comme le connaît Rosa Luxembourg de l'intérieur. Je crois que il faut placer les débats politiques et les polémiques théoriques que va mener Rosa Luxembourg dans la réalité sociale de l'époque. Elle aussi est fortement marquée par le Parti socialiste allemand. Elle est fortement marquée par son expérience dans cet appareil. Elle côtoie de très très très près, parce qu'elle est aussi l'amie personnelle de Louise de Karl Kautsky, elle voit de très très très près les soi-disant marxistes et elle les voit évoluer aussi. Elle voit toutes les faiblesses de ces personnalités-là. Et je crois que ce qui lui donne un rôle aussi important dans les débats théoriques de l'époque, aussi bien en Allemagne que dans le Parti socialiste, c'est en partie, en effet, sa lucidité, sa clairvoyance, sa profonde connaissance du marxisme. Trotsky dira même plus tard que le marxisme coulait, c'est-à-dire dans ses veines, faisait partie de ses organes. Et Lénine parlera même du marxisme non falsifié de Rosa Luxembourg, malgré les polémiques très fortes, c'est-à-dire qu'il avait avec elle. Lorsqu'il parle de marxisme non falsifié de Rosa Luxembourg, il écrit ça après sa polémique avec Rosa Luxembourg sur la question nationale. Mais ce n'est pas seulement l'étalité personnelle de Rosa Luxembourg qui lui donne cette place, mais aussi, je crois, le fait qu'elle ait mené ces débats au SPD et en Allemagne et au sein de la classe ouvrière allemande, qui est la classe ouvrière la plus puissante, la mieux organisée, la plus avancée, au fait, de l'Europe, voire même du monde entier. Alors, la première grande polémique dans laquelle se lance Rosa Luxembourg, c'est pas la polémique qu'elle débute, qu'elle engage. Elle réagit face à Edward Bernstein, qui a écrit toute une série d'articles qui vont être publiés sous le nom de Problème du socialisme. Ce sont des articles qui sont publiés dans la revue Théorie die Neue Zeit, la revue du SPD. En fait, Bernstein dira ou écrira tout haut ce que plein d'autres dirigeants du Parti Socialiste pensaient tout bas et faisaient déjà dans la pratique. Qu'est-ce que l'essence des idées de Bernstein? Mais c'est essentiellement c'est de dire le capitalisme ne va plus connaître de crise, le capitalisme atténue, modère, ses contradictions, les menaces de guerre s'écartent de plus en plus grâce à l'étendue du capitalisme, grâce au développement des trusts, des cartels, des monopoles et de l'impérialisme, et que la stratégie du SPD devra consister essentiellement à restreindre petit à petit la propriété capitaliste, de telle façon que le jour où on décidera de transformer cette propriété capitaliste en propriété socialiste, les capitalistes ne résisteront plus. Il n'y aura plus de résistance des capitalistes. Il y a une... Je ne sais pas si vous connaissez la parodie en Angleterre de la chanson The Red Flag, le drapeau rouge. C'est une critique comique du réformisme du Parti travailliste. Et à place de dire Red Flag, ils disent le drapeau rose qui est de plus en plus pâle. Et à un moment donné, il y a une strophe dans la chanson qui dit « We'll change the country bit by bit so nobody will notice it ». Nous changerons le pays petit à petit, tellement graduellement que personne ne remarquera le changement socialiste dans la société. Mais c'est un peu, sans trop exagérer, la vision de Bernstein sur l'avenir du socialisme. Très peu de personnes veulent engager la polémique avec Bernstein à l'époque. Trotsky est poussé, il hésite, il tergiverse, il tarde, je crois, un an avant d'écrire quelque chose, une réponse à Bernstein. Mais c'est Rosa Luxembourg qui prend le taureau par les cornes et qui va écrire ce merveilleux livre qui est Réforme ou Révolution, qu'il faudrait peut-être appeler d'un autre nom, parce que ce n'est pas Réforme ou Révolution, c'est plutôt Réformisme ou Révolution. Et dans son livre, elle explique très bien comment, en fait, Réforme et Révolution ne sont pas antagonistes, ne s'excluent pas mutuellement, mais au contraire, le combat pour les réformes sont extrêmement importants, à condition de les lier à l'idée de la révolution socialiste, et que, au fait, aucune réforme sociale, économique, politique n'est garantie dans le capitalisme. Et si on veut maintenir ces réformes, il faudra radicalement changer la société. Rosa Luxembourg base, au fait, sa perspective de lutte politique, contrairement à Bernstein, qui la base sur la modération des contradictions du capitalisme. Rosa Luxembourg, elle, la base sur l'exacerbation des contradictions. Ce n'était pas une chose évidente au moment où elle a écrit, la fin du Xe siècle, au début du XXe siècle, où tout semblait aller dans le sens contraire d'une modération, d'une atténuation des contradictions. Et elle dit clairement que la lutte pour les réformes font partie d'un apprentissage indispensable à la classe ouvrière. C'est via la lutte pour ces réformes-là que la classe ouvrière peut gagner en confiance, en organisation et en connaissance politique. On a déjà parlé beaucoup de livre Réforme à Révolution hier. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette question-là. Suffit à dire qu'elle devient, par la publication de ce livre, directement une référence très très importante au sein du SPD, voire même de l'international, dans l'international socialiste. La deuxième grande polémique dans laquelle elle s'engage, et c'est la particularité de Rosa Luxembourg, tout comme Lénine d'ailleurs, d'être identifié avec des polémiques, comme nous aussi on doit être identifié avec des polémiques. On ne doit pas être identifié internationalement comme des gens qui sont d'accord avec tout et qui n'osent pas aller au combat théorique et politique. Donc la deuxième grande polémique, c'est sur la question nationale. Elle se mène surtout contre et avec Lénine. Parce que Rosa Luxembourg rejette la revendication et l'idée du droit des peuples à l'autodétermination. Elle dit en fait le droit des peuples à l'autodétermination n'est pas possible sous le capitalisme et sous le socialisme ce sera plus nécessaire, dit-elle. C'est une formule ramassée, on aura l'occasion si vous voulez d'en discuter plus longuement dans le débat, mais surtout je crois que je conseille tout le monde de lire les textes de Lénine et de Rosa Luxembourg à ce sujet-là. Mais Rosa Luxembourg, tout comme Lénine, lutte contre le nationalisme et tous les deux sont internationalistes. C'est pas ça qui fait la différence entre Rosa Luxembourg et Lénine. Mais Rosa Luxembourg a une vision assez abstraite de l'internationalisme. Elle, par son expérience de la Pologne et des polémiques très dures contre le PPS, le parti polonais, qui s'identifie totalement avec le nationalisme polonais et bourgeois, elle a eu tendance à exagérer l'attitude socialiste face à la question nationale et a même tendance à nier l'existence de la question nationale en disant que c'est essentiellement une question propre à la bourgeoisie ou à la petite bourgeoisie. Lénine, par contre, aussi était international, mais dit la seule façon en fait de séparer les masses paysannes et ouvrières qui tombent sous l'influence du nationalisme bourgeois, c'est pas en effet d'être nationaliste, mais de défendre à outrance toutes les libertés démocratiques, nationales, culturelles, linguistiques des minorités opprimées. Le programme du marxisme est essentiellement, dit-il, un programme négatif de rejet de toute forme d'oppression et de discrimination. Mais, dit-il, il faut aller juste à la revendication du droit à l'autodétermination des peuples, qui ne signifie pas l'obligation de l'autodétermination des peuples, qui ne signifie pas l'obligation de soutenir partout et sous n'importe quelle condition la création de nouveaux États, de séparation. Mais il dit clairement que les marxistes doivent défendre le droit à l'autodétermination, voire même la possibilité d'une nation, de se séparer d'une nation qui les opprime. Il dit ça essentiellement pour que les marxistes, pour que les ouvriers du monde entier, en particulier la Russie, qui est une prison des peuples, comme il dit, puissent gagner la confiance des minorités nationales opprimées. Je crois que l'expérience de 1917, la révolution en Russie, prouve que Lénine était dans le juste et que Rosa Luxembourg n'était pas dans le juste. Elle reviendra sur ces questions-là dans ses critiques de la révolution de 1917, mais je crois que l'expérience montre que Lénine et les bolcheviks étaient beaucoup plus justes et ont réussi, contrairement aux craintes qu'avait Rosa Luxembourg, qui identifiait la revendication de droit à l'autodétermination des peuples comme un argument ou comme un facteur de division, de morcellement, de renforcement des forces centrifuges entre les différentes nationalités opprimées. Contrairement à ces craintes, la revendication et la mise en pratique du droit à l'autodétermination des peuples est un facteur qui a rassemblé des peuples en Union soviétique, dans le jeune État russe, autour de la classe ouvrière qui a renversé le tsarisme en 1917. C'est un débat qui a un faible écho dans le Parti socialiste allemand, mais aussi le Parti socialiste allemand, elle le découvre à ses dépens, est un parti qui, sans le dire officiellement dans son programme, est un parti germaniste et qui revendique aussi des territoires au nom de la Grande Allemagne. Dans sa correspondance avec son ami, amant et compagnon de lutte, Leo Jogiches, qui dirige le parti polonais, elle témoigne d'attitudes méprisantes de fonctionnaires du SPD allemand face à sa nationalité ou ses origines polonaises, en disant « Ouais, tu es polonaise, mais en fait, tu es allemande », dit un fonctionnaire à Rosa Luxembourg quand elle les rencontre dans le parti. Comme c'était expliqué hier, la réponse des marxistes, entre guillemets, au sein du SPD à ces polémiques, c'est ou bien d'éviter les polémiques, ou bien de simplement pas en parler, de les éviter. Puis il y a une troisième importante polémique qui va aboutir aussi à la rédaction d'un livre qui pour moi est aussi important que celui de Réforme et Révolution. C'est le livre qui est intitulé « Grève de masse, parti et syndicat », dans lequel elle secoue sérieusement le cocotier stratégique du SPD à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle écrit ce livre sur la grève de masse? Mais la raison immédiate, c'est l'éclatement de la grève de masse révolutionnaire en Russie en 1905. Il faut comprendre un peu l'importance de cette grève de masse en Russie. Au fait, la grève de masse en 1905, que Lénine et Trotsky décriront plus tard comme la répétition générale de la révolution de 1917, cette grève de masse de 1905 est la première grande déflagration révolutionnaire massive, donc de grande envergure, sur le continent européen depuis la Commune de Paris. Depuis la Commune de Paris, il n'y a plus vraiment eu d'événements révolutionnaires sur le continent européen. Il y a eu deux autres crises importantes que Rosa Luxembourg va étudier, va observer de tout près, et qui vont aussi influencer ses réflexions sur la grève de masse. Première grande crise politique, c'est l'affaire Dreyfus en France. Deuxième grande crise politique, c'est la grève générale en Belgique en 1902 pour le suffrage universel. Elle va en tirer des enseignements très très importants. Mais ce qui va le plus l'influencer ou confirmer dans sa vision, c'est naturellement la grève de 1905 et sa propre participation à la grève de 1905. Et contrairement aux dirigeants du SPD qui restaient bien à l'écart de la grève en Russie, elle est allée tout de suite, elle s'est jetée dans la mêlée russe. Elle a fait de l'agitation, elle a écrit des articles, elle a parlé à des meetings, elle a organisé des ouvriers, elle était côte à côte avec ses anciens compagnons de lutte. Elle sera jetée en prison et puis expulsée. Donc elle fera l'expérience très concrète, très physique de cette grève de masse. Et les deux enseignements importants, les plus importants qu'elle tire de 1905, c'est un, la répugnance, dit-elle, du crétinisme parlementaire, le rejet du crétinisme parlementaire, et puis la conviction intime que la stratégie du SPD, ce n'était pas une stratégie, on l'appelait en allemand, die alte bewahrte Taktik, la vieille tactique éprouvée, qui dominait le SPD depuis 20 ou 30 ans, et qui dominait aussi l'international socialiste depuis 20 ou 30 ans, qui consistait au fait à accumuler des forces parlementaires, syndicales, affiliées, coopératives, permanents, locaux, journaux, la construction d'une contre-société dans la société capitaliste qui, tôt ou tard, on ne sait jamais quand exactement, à un moment donné, donnera lieu à une transformation qualitative vers le socialisme. Elle est convaincue que cette stratégie-là, elle est erronée. Elle dit, le jour décisif, cette tactique, dit-elle, va échouer. Donc, qu'est-ce qu'elle met en avant ? Ben, elle met en avant, en effet, oui, la grève générale. Elle mène, en fait, ce bas de l'analyse de 1905, de 1902, de l'affaire Dreyfus, campagne pour la grève générale. Elle dit, en fait, la grève générale, révolutionnaire, c'est extrêmement important dans la lutte pour le socialisme. Ça effraie les dirigeants du SPD, ça effraie les dirigeants syndicaux aussi, qui ont très très peur de la grève générale. Ils conçoivent la grève, oui, mais la grève économique, les grèves pour des augmentations salariales, les grèves que les dirigeants syndicaux décrètent et arrêtent à souhait. Les Allemands, les dirigeants du SPD, ont une formule lapidaire pour répondre à Rosa Luxembourg, et ils disent en allemand « Generalstreik ist General Unsinn ». La grève générale, c'est la foutaise générale. Ils ne veulent pas entendre parler de grève générale. À un moment donné, oui, un congrès Bebel accepte la grève générale en principe. C'est un beau principe, la grève générale. Mais retournons, je veux dire, à notre routine quotidienne d'affiliation, de recrutement, de grève par-ci, par-là, d'accumulation de force, de participation des élections locales, régionales, voire même de participation ou d'entrée dans des coalitions locales avec des partis de droite. Mitterrand, en France, était un exemple, c'est le plus connu, mais déjà en Allemagne, le SPD rejoignait des coalitions et des partis de droite localement. C'est ça, la vision stratégique du SPD. Mais c'était une vision stratégique qui était largement répandue au sein de l'Internationale socialiste. C'est comme ça qu'ils voyaient la transformation de la société. D'ailleurs, j'ai lu un article intéressant qui fait la comparaison entre l'interprétation gradualiste de la théorie de l'évolution de Darwin et la vision en fait réformiste du passage du capitalisme vers le socialisme. On aura l'occasion d'en parler peut-être tout à l'heure dans le débat, parce que Darwin, quand il a élaboré et découvert la théorie de l'évolution, il se débattait avec les sauts qualitatifs, avec la transformation de quantité en qualité dans les différentes races animales et catégories dans la nature. Et les réformistes à l'époque, en fait, utilisaient Darwin pour justifier scientifiquement leur réformisme. Donc, Generalstreik ist General Unsinn, disaient les dirigeants sociaux-démocrates. Certains reprochent à ces écrits, à ce moment-là, dans Grève de masse, un certain spontanéisme. J'ai lu le bouquin, j'ai lu d'autres articles d'elle. Je ne crois pas qu'on puisse reprocher à Rosa Luxembourg une sorte de théorie de la spontanéité. Je crois que c'est un mauvais procès, dire qu'on lui fait. C'est vrai qu'elle réagit fortement contre, en Allemagne en particulier, ils appellent Organisation Fetischismus, le fétichisme de l'organisation. L'organisation prime sur tout le reste. L'organisation syndicale, l'organisation des travailleurs prime sur le contenu, sur la formation, et surtout prime sur l'initiative des masses. On a tendance, pas nous, mais autour de nous, on a tendance à opposer Lénine à Rosa Luxembourg sur la question de la spontanéité, comme si Lénine ne reconnaissait pas l'extrême importance de la spontanéité dans le développement des révolutions. Février 17, qui a convoqué février 17? Quel état-major politique a convoqué février 17? Personne. Quelle organisation politique avec un certain poids dans la société russe en 1905 a appelé à la grève générale? Aucune en tant que telle. Et donc je crois que la spontanéité joue un rôle important dans le déclenchement de toute une série de mouvements sociaux, révolutionnaires ou de portée plus limitée, mais la spontanéité ne répond pas en soi à la possibilité de victoire de ces luttes. C'est Daniel Guérin d'ailleurs, vous connaissez Daniel Guérin qui a écrit toute une série de livres sur la France, entre autres le fameux livre « Ce fascisme et grand capital », relève dans un de ses écrits une conversation avec un ouvrier de la CGT en France dans les années 30, et cet ouvrier lui dit, au fait, Quand on parle de grève spontanée, dit-il, dans les usines, il y a toujours quelqu'un qui organise la grève spontanée. Il y a toujours quelqu'un qui organise la spontanéité. La spontanéité, à 100%, n'existe pas. Comme si quelque chose allait, comment dire, s'enflammer tout seul. Ça n'existe pas dans la chimie, ça n'existe pas dans la nature, ça n'existe pas non plus, je veux dire, dans la réalité de la lutte des classes. Certes, Rosa Luxembourg critique très fortement les appareils bureaucratiques des organisations syndicales qui pensent devoir et pouvoir contrôler tout mouvement par le haut. Et tout mouvement qui n'est pas contrôlé par eux est par définition suspect. Et donc elle réagit très fortement, je veux dire, contre ce genre d'attitude. Et elle voit, en fait, dans la grève de masse, une façon, en fait, d'éduquer et de préparer les masses à des confrontations très importantes avec l'État. On dit souvent c'est qu'on apprend à nager en se jetant dans l'eau, et je crois qu'on apprend une conscience révolutionnaire, en tout cas la masse ça acquiert une conscience révolutionnaire en participant à des actions révolutionnaires. Les masses dirigées en Allemagne par le SPD n'étaient jamais préparées dans l'action à une conscience révolutionnaire. C'était préparé au contraire. C'était préparé à des campagnes électorales. Et c'était préparé à des campagnes de recrutement. Et c'était préparé à des manifestations démonstratives. Et c'était préparé à tout ça qui fait partie, au fait, du concept très gradualiste, fataliste même, d'une stratégie vers le socialisme. Donc ça, je crois, c'est l'apport très très important du livre de Rosa Luxembourg sur grève de masse, syndicat et parti. Là, à nouveau, comme je dis, au sein du SPD, en 1905, 1906, 1907, ça provoque pas mal de remous, mais le SPD rentre à nouveau, je veux dire, dans le vieux, la vieille routine de la, comme ils appellent, la vieille tactique éprouvée du gradualisme qui aboutira tôt ou tard, on ne sait pas exactement quand, au socialisme. Il faut dire aussi, quand Rosa Luxembourg réagit très fortement contre les tentatives de contrôle bureaucratique des mouvements sociaux, c'est qu'elle se rend compte par l'expérience même que cette stratégie gradualiste en Allemagne du SPD, c'est aussi une stratégie qui a peur de tout ce qui pourrait, on va dire, dévier de cette voie, tout ce qui a peur de tout ce qui pourrait provoquer la réaction. À un moment donné, Rosa Luxembourg, dans un meeting d'agitation, lance l'idée d'une république, une république allemande. Tout de suite, elle se fait taper sur les doigts par les dirigeants du SPD, parce que leur indication, ce n'est pas la république allemande, mais la démocratisation de l'Empire, la démocratisation du régime. Alors, quelque chose que Trotsky, malgré son marxisme orthodoxe, va justifier également. On arrive en 1914, on sait comment 1914 surprend les socialistes et les marxistes du monde entier, surprend plus Lénine que Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg n'est pas surprise du tout par ce qu'elle voit. Lénine est surpris. Dans ce sens-là, Rosa Luxembourg était plus clairvoyante que Lénine sur la dégénérescence bureaucratique et réformiste du SPD. Le SPD, on l'oublie, comme je disais tout à l'heure, était le modèle pour la construction du parti russe. Mais Lénine avait en tête, en fait, un passé du SPD ou une réalité du SPD qui n'existait plus en 1914. D'ailleurs, pour la petite histoire, ceux qui nous reprochent, anarchistes ou réformistes, ah, vous êtes vous êtes pour le centralisme démocratique, cette invention terrible de Lénine, etc., etc. Centralisme démocratique n'est pas une invention de Lénine. Le SPD prétendait fonctionner selon le centralisme démocratique. C'était un concept généralement accepté au sein du SPD ou de l'international, on va dire, socialiste. En 1914, Lénine admet que Rosa Luxembourg était plus correcte que lui sur la compréhension du réformisme et son impact aussi sur la politique internationale, l'abdication devant l'impérialisme et le militarisme. Rosa de Luxembourg va atterrir en prison pendant un an. Les militaires vont la sortir à nouveau. Elle va à nouveau être envoyée en prison. Elle passe pratiquement toute la guerre en prison. Ça a des avantages, la prison. C'est qu'on peut lire en prison. J'ai des camarades qui, parfois happés par un grand activisme, rêvent d'être arrêtés par la police et pouvoir faire 2 ou 3 mois de prison pour lire tous les livres qui sont sur leur table de chevet, qui promettent chaque fois de lire. Mais ça a aussi des effets très négatifs. Et c'était le cas de Rosa Luxembourg. C'est qu'on est isolé du reste du monde. Et on est aussi isolé des mouvements qui se déroulent dans le SPD ou dans la société allemande. C'est aussi à ce moment-là, en 1917, qu'elle va écrire son fameux texte sur la révolution bolchevique. Elle décide au fait de ne pas publier ce texte. Elle demande qu'il ne soit pas publié. Seulement plus tard, en 1922, et la version intégrale en 1928 sera publiée. En fait, elle demande que ce texte-là ne soit pas publié. Mais ce texte-là est quand même intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas qu'il soit publié, ce texte? Mais de première raison, c'est parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas bien informée. Et deuxième raison, c'est qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être tort sur toute une série de choses. Elle ne le dira pas en tant que telle. Mais première chose qu'il faut dire à propos de ce texte, d'abord, c'est un texte de Rosa Luxembourg. C'est un texte de solidarité politique avec la révolution de 1917. C'est pas seulement un texte de solidarité avec février 17, mais avec octobre 17. Et un texte de solidarité avec le bolchevisme, je souligne, avec le bolchevisme et avec Lénine. Pas seulement parce qu'ils étaient les premiers à avoir osé, mais aussi parce que, elle était d'accord avec la plupart des choses qui se déroulaient, je veux dire, en Russie à ce moment-là. Et si elle émet des critiques, 4 points importants, c'est pas pour dire ils n'auraient pas dû faire la révolution ou ils auraient dû être plus réformistes. Non, mais pour dire les critiques qu'elle fait, c'est dans le cadre du débat entre révolutionnaires qui veulent en effet faire réussir la révolution russe. Quels sont les points de critique de Rosa Luxembourg? Essentiellement d'abord sur les questions de la terre et de la politique agraire. Deuxièmement, sur la question nationale. Troisièmement, sur l'Assemblée constituante et le rapport avec les soviets. Et quatrièmement, sur les droits démocratiques des travailleurs. Sur les questions de la terre, en fait, elle reprend la vieille position des bolcheviques avant octobre 17. En fait, les bolcheviques disaient, et s'opposaient aux socialistes révolutionnaires, ils disaient en fait, il faut nationaliser la terre et il faut tout de suite commencer par les coopératives et construire une politique agraire sur base des propriétés moyennes et grandes, à la campagne. Elle critique en fait le fait que les bolcheviques aient accepté le programme des socialistes révolutionnaires qui consistait à dire de donner la terre aux paysans. Elle s'oppose au ça. Elle s'oppose à cette revendication. Je crois que dans toute l'histoire du bolchevisme, c'était en effet le combat contre les socialistes révolutionnaires sur cette question-là, mais Lénine se rend très bien compte que le mouvement paysan a pris le devant de son programme. Et que partout en Russie, les paysans prennent la terre, occupent les terres. Et il dit à ce moment-là, on n'a pas le choix. Il faut reconnaître ça. La révolution, si elle veut maintenir et consolider l'alliance entre ouvriers et paysans, entre ville et campagne, elle doit reconnaître ce fait très important. Les socialistes révolutionnaires vont lui reprocher d'avoir volé leur programme. Vous n'êtes pas honnête, vous avez volé mon programme. Mais aussi, ça fait pas. Enfin, ce changement assez radical dans la politique à court terme des bolcheviques montre aussi très bien l'extrême flexibilité de Lénine dans les questions de programme. Le deuxième critique de Rosa Luxembourg, c'est la question nationale. Là, elle répète sa vieille critique de 1903-1904 en disant les bolcheviques russes ne doivent pas défendre l'autodétermination, ils doivent défendre l'unité de la Russie, l'unité de l'Empire russe, contre tout séparatisme. Je crois que là, elle s'est vraiment mis, comme on dit en français, le doigt dans l'œil, et elle était totalement dans l'erreur. En ce qui concerne l'Assemblée constituante, elle dit au fait que les bolcheviks auraient dû... elle comprend les arguments de Trotsky et de Lénine pour avoir dissous, au fait, l'Assemblée constituante quelques heures après qu'elle ait été convoquée en 1917, je crois. Mais elle dit, au fait, vous auriez pu organiser de nouvelles élections pour cette Assemblée constituante qui aurait reflété mieux, au fait, le changement politique et les rapports de force dans le pays. Mais je crois qu'elle ignorait et sous-estimait, au fait, que cette Assemblée constituante ne jouait plus aucun rôle dans les yeux des masses, aussi bien paysannes qu'ouvrières, en 1917. D'ailleurs, pour des raisons de propagande, les bolcheviks avaient proposé, dans leurs interventions à la première Assemblée, la dernière Assemblée de cette Assemblée constituante, le vote de toutes les mesures que les soviets avaient déjà prises, sur la terre, sur les 8 heures, sur pouvoir ouvrir, etc., etc., c'était rejeté par l'Assemblée constituante. Et à ce moment-là, le faible nombre de soldats rouges qui étaient à l'Assemblée constituante ont simplement demandé aux messieurs et aux mesdames de quitter l'Assemblée constituante et de la fermer. Personne ne s'est préoccupé de cette Assemblée constituante, sauf et internationalement, pour être utilisée contre les bolcheviks. Mais il faut dire que l'expérience même de la Révolution allemande et de la fonction contre-révolutionnaire de l'Assemblée nationale constituante dans la Révolution allemande a ouvert les yeux aussi de Rosa Luxembourg, et il y a des formidables écrits de Rosa Luxembourg en 1918 contre l'Assemblée constituante en Allemagne. Et puis, elle, je crois qu'elle a été très mal informée sur les droits démocratiques des travailleurs, où elle reproche au fait aux bolcheviks le manque de démocratie, etc. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard aussi, parce que le temps me manque. Je crois que ce texte-là, comme je dis, pour moi, il exprime surtout la très grande solidarité de Rosa Luxembourg avec les bolcheviks. Elle le dit, au fait, dans ce texte. Elle dit, ce qui importe, après avoir énuméré ses critiques, ce qui importe, c'est de distinguer dans la politique des bolcheviks l'essentiel de l'accessoire, la substance de l'accident. Elle dit, Lénine, Trotsky et leurs amis ont été les premiers qui ont montré l'exemple au prolétariat mondial. Ils sont juste ici encore les seuls qui puissent s'écrier avec Hutten, un poète, « J'ai osé ». Il leur reste le mérite impérissable d'avoir, en conquérant le pouvoir et en posant pratiquement le problème de la réalisation du socialisme, montré l'exemple au prolétariat international. Et c'est dans ce sens-là que l'avenir appartient partout au bolchevisme. Rosa Luxembourg, l'avenir partout appartient au bolchevisme. C'est extrêmement important comme citation pour comprendre la pensée de Rosa Luxembourg. Je crois qu'hier, on a pas mal discuté aussi de l'absence d'organisation de partis par Rosa Luxembourg. Elle arrive, il y avait plein d'exemples à ce sujet-là. La Ligue Spartakiste n'était plus une boîte aux lettres, veut dire autre chose. Après, c'était un réseau. Même la fondation du KPD s'est faite sur des bases organisationnelles qui n'ont rien à voir avec le bolchevisme. Toutes les sections locales pouvaient dire et faire ce qu'elles voulaient. Les dirigeants nationaux pouvaient faire et dire s'ils voulaient. C'est même approuvé, car Liebknecht, tu peux défendre une position individuelle, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec le bolchevisme, mais je crois que Rosa Luxembourg se rendait très bien compte qu'elle avait un outil en main qui n'était pas un outil pour faire une révolution. Il y avait l'illusion, et aussi parfois dans notre international, au niveau local, il y a des camarades qui ont l'illusion d'avoir beaucoup d'influence. Ils souffrent parfois d'une sorte de volontarisme à outrance. Et Karl Liebknecht avait peut-être des bonnes raisons de croire dans la force de volonté de sa personnalité et l'impact et le pouvoir sur les mouvements sociaux. Karl Liebknecht, à lui seul, pouvait convoquer 150 000 ouvriers à Berlin. Sans problème, il est convoqué, et puis quoi ? Puis il est reconvoqué, et il est reconvoqué. Et puis toi. Et en fait, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un parti. Ils ont construit ce parti, ou un début de ce parti, dans le feu de l'action. Mais en fait, ce n'est pas dans le feu de l'action qu'il faut le construire. Si on n'a pas le choix, on le construira dans le feu de l'action. Mais c'est surtout dans les années qui précèdent des révolutions qu'il faut la préparer. On dit souvent dans l'international, en parlant de grands événements sociaux, de l'avenir des sections de notre international qui, malgré le fait qu'on ait des sections de 500, 600 membres, etc., restent encore des sections très très très petites par rapport aux événements, par rapport aux tâches qui nous incombent dans l'avenir. On dit, au fait, oui, il s'agit de préparer les événements. Parfois, il y a des camarades qui pensent, quand la révolution sera là, vous allez voir, on va grandir, les gars. On va multiplier nos forces comme jamais. C'est avant la révolution qu'il faut multiplier nos forces comme jamais. On pourra peut-être multiplier nos forces comme jamais pendant une révolution, mais on ratera l'occasion de diriger cette révolution. Et je crois que c'est ça l'exemple, la leçon la plus importante de Rosa Luxembourg. Et je répète, Rosa Luxembourg fait partie de notre héritage. Lénine a eu cette belle formule en reprenant une fable russe où il compare un aigle à une poule. Et il dit au fait, des aigles parfois volent très bas. Il fait référence à Rosa Luxembourg dans ses polémiques sur la question nationale ou d'autres erreurs. Mais une poule ne s'est jamais volée. Et Rosa Luxembourg était un aigle du marxisme. Et je crois que, en discutant entre nous, on sait très bien que nous ne embaumons pas nos dirigeants ou nos théoriciens. Nous ne faisons pas de ces révolutionnaires des momies, insignifiantes. Nous les considérons aujourd'hui comme des personnages vivants, insérés dans leur époque, avec leurs faiblesses, avec leurs forces. Mais qui nous enseigne l'importance, au fait, qui était l'objectif principal de Rosa Luxembourg, c'était, elle respirait, elle vivait, elle mangeait, elle buvait. La vie était organisée autour d'un seul objectif, c'est la révolution socialiste. Merci.